Exercice 9, page 120. A. Il est plus sûr que lui. Transformer. Il est moins sûr que lui. B. Il est plus dur que lui. Transformer. Il est moins dur que lui. C. Il est plus rouge que lui. Transformer. Il est moins rouge que lui. D. Il est plus fou que lui. Transformer. Il est moins fou que lui. E. Il est plus cuit que lui. Transformer. Il est moins cuit que lui.